Bonjour à toi, je suis Joseph Robert. Respire un grand coup, détends tes épaules et écoute ces mots. Pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Tu n'es pas ici par hasard. Si tu entends ma voix aujourd'hui, c'est que tu as quelque chose à accomplir. Quelque chose de grand, de vrai, de profond. Peut-être que tu ne le vois pas encore. Peut-être que tu doutes. Tu te dis parfois, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je suis assez fort, assez intelligent, assez prêt? Et je te réponds, oui, tu l'es. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être parfait pour commencer. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser pour avancer. Le chemin se construit en marchant et chaque pas, même petit, est une victoire contre l'immobilité. Rappelle-toi une chose. Les grandes choses prennent du temps. Personne ne voit les racines quand un arbre pousse. Mais elles sont là, solides, profondes. Et toi aussi, tu es en train de construire ces racines. Tu as déjà traversé tant de choses. Des moments de doute, de fatigue, de solitude, mais tu es encore là. Et ça, c'est la preuve que tu es fort. Tu sais quoi? Le monde n'a pas besoin d'une version parfaite de toi. Il a besoin de la vraie version de toi, celle qui essaie, celle qui tombe et se relève, celle qui ose malgré la peur. Ne laisse pas les opinions des autres décider de ta valeur. Tu n'es pas un échec parce que tu n'as pas encore réussi. Tu es en construction et ce processus, c'est là que la magie se passe. Retiens ceci. Le courage ne signifie pas ne pas avoir peur. Le courage, c'est avancer même quand tu as peur. C'est croire qu'il y a de la lumière même quand tu es dans l'ombre. Alors, aujourd'hui, une promesse, pas à moi, pas aux autres, mais à toi-même. Promets-toi de continuer, de persévérer. Promets-toi de te relever chaque fois que tu tombes. Et surtout, promets-toi de croire en toi, même un tout petit peu. Parce que ce petit peu-là, c'est le début de tout. Tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Mais tu dois garder les yeux ouverts, rester debout et continuer à avancer. Souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement à l'endroit où tu dois être, en train de devenir la personne que tu es destiné à être. Alors, lève la tête, redresse ton dos, prends une grande respiration et dis-toi, je peux le faire. Parce que tu peux, parce que tu vas, parce que tu mérites. Aujourd'hui est à toi, fais-le pour toi, pour tes rêves, pour ton avenir. Chaque jour est une nouvelle chance et aujourd'hui, tu choisis de ne pas abandonner. Merci de m'avoir écouté. Garde cette énergie en toi et n'oublie jamais, tu es plus fort que tu ne le crois. C'était Robin Joseph. Soit gardé sous mon ou salé tombé na couchaille. Société a demandé au même pape chambon foyer. Pas coûter la vie pour mal commettre bêtise. Ça m'y levé la nuit, l'alphabet, son pas qu'on est. Demain matin levé, gen automobile. Mwen pa gade sou moun. Oui, mwen pa konfye sou zanmi. Mwen men mwen la toujou m'a demele pou apre Dieu. Yelo pa kriye. Yelo konsole ou pa kouraj kriye. Yelo pa kouraj. Se lò nan malè pou kon sire bon zanmi. Yelo pa kriye. Yelo konsole ou. Yelo l'autre problème, on a tout mal. On a tout mauvais moment. C'est là ça pour qu'on ait si bien bon camarade, bon voisin. L'autre avec l'argent, tout le monde ses amis, toute la journée. Famille, amis, visite, l'argent. Vous te mettez les 90 ans. Débouquer l'argent. On va occuper les jeunes qui mourent dehors. Yo Léo. Yo Léo. Petit bouchon. Remoulin, petit bouchon. Où est l'argent? L'argent. L'argent. Bon. Mon a perdu. Ils sont capable de perdu. Pendant qu'ils ont rencontré. Demandez qui forme. Qui m'a le connaît? La belle capraise. Parce que bien l'argent. L'argent. Ils sont Jacques Mel perdu. Demandez qui nous connaît votre prince. Qui nous connaît votre prince? Gérard Adouko. Parce que le gars. Comprenez. De vous qui cop, tout le monde se forme. On a son câble perdu. La fouille. Demandez qui nous connaît. Gérard Massouci. Parce que le gars pile l'argent, en pile l'argent. En pile l'argent. Bon, yon flandan en zone. Lui te met fait toute classe li. Bon philosophe. Et pas philosophe rapide, non. Philosophe qui fait savoir, qui compte parler, belle diction. Pour vivre le pas de travail, il paye l'argent. Il paye respect dans la zone, non. Tout le monde démarque. Il y a fait fête, il ne pas éviter. Parce qu'il n'est pas en position. Mais je vous donne Delvin non job. La dégagé, comment ça passe dans la zone là? Yo Eleli, inspecteur. Inspecteur, bonjour inspecteur. Bonjour. Il commence par changer de voix. Il y a un petit trièvre dans la voix. Petit basse. Un petit reverb. Vocal, il commence à changer. La fait comme. Ou un col dans le cou. Ou un commence à parler français. La exprimer. L'autre. Ou qui n'a pas dans la zone là? Qui n'a pas dans la zone là? Petit bouchon. Oh mon Dieu. La petit bouchon non. Regarde le petit bouchon non, Jésus. Pas de chita dans la voiture parce qu'il vient l'argent dans la position. Mais cependant, l'aide pour la position, tout le monde te maltraite. L'argent, l'argent. Bon, l'autre histoire, c'est lui qui va faire nous river. Gros mécanicien sur le travail à 5 heures. Et le camionnette, chauffeur arrêté pour lui, il café. Pendant le monté, tout le monde a démarqué parce que le sale. Mais il y a tout clé, tout le monde. T'es qu'on paquet de belles, mesdames là, tu comprends? Il a cherché à démarquer. Là, je suspecte qu'il a humilié. J'étais comme un gros l'argent, par contre, j'étais pas balle dans le cas. Il y a l'école là, la fête, $100, $200, $300, $400, $500. Même équipe, mesdames, ça y est, qui t'a méprisé plein l'air. Pendant que vous avez l'argent, vous prenez l'argent, l'argent c'est le vent. Et puis, dame n'a pas fait, si bouchon là, quand nous pas tomber, on n'a pas de camionnette là, non. Si nous perdons, si femme nous perdons, si bouchon, gardez petit bouchon, petit bouchon, gardez petit bouchon, allez, quand nous petit bouchon, y a protégé l'argent, on a menti, oui, petit bouchon, oui, bon Dieu. monsieur. Mais l'autre est bouchon, non. Mécanicien, oui. Il a oublié de rater ça, là, je dis. Oh oui, un tel, c'est mon cousin. Il est à mon condisciple. Parce qu'il a la position. Viens l'eau consoler, viens l'eau.